a beaucoup qui m'ont menti. On n'est pas tous les mêmes. Je l'ai vu quand j'ai grandi. Je suis ailleurs, je te garantis. Les BDH, moi je suis anti. Et pour pas win, j'arrive en TN. Je sens pas joli au mariage attentif. Ça barre dans les sans bandits. Dans les patates de la ganja. Là j'ai grave la tête en chantier. Je rentre, je sorti moi comme un ninja. J'ai fait de la musique mon métier. J'ai mis les cartes dans les tuyaux. Je sais pas fumer devant les petits. Je m'enroule et j'ai tout fumé tu. Ça s'affole dès que ça va être cul. Ça s'alcool les habitudes du grand cru. Informe-toi sur ma carrière. Jamais ça pourrait vaincu. Mon bâtisse, fais pas le con. Marseille c'est chaud, c'est raquette, pipoquette. C'est pire qu'à Phuket. Y'a des bêtes qui tournent, c'est des lance-roquettes. En fait, y'a des fils de qui avancent des enquêtes. Elle garde, on y s'inquiète. Ça sonne avec des pets sous la banquette. Hiver à RS, c'est les tangettes. Ça se casse la tête, ça boit des one-shots. J'ai l'impression que ça me pisse en crête. 5 milliards sur Spotify. Y'a des moulas qui m'identifient. Et la grand-mère au vélodrome, elle est venue danser avec son petit-fils. Sûrement on dit ça, on dit si. On s'en fout de la mode ici. J'aime faire monter l'adrénaline. Chaque gamme, moi je le mot. Mon Baptiste, fais pas le con. Ayuga Bidou, j'ai pas le temps. Mon Baptiste.